Ok. Alors maintenant, on va donner un dernier son. Et ensuite, eh bien, il y aura la surprise, c'est que tous ceux qui veulent chanter peuvent monter sur scène pour chanter aussi. Mais maintenant, nous, Kevin, il dit, dis loin, parce que il y a des gens qui ont dit des paroles et nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter ça. Loi, ça n'est pas une définition, mais religion qui sème la division. On met attention quand vous n'êtes pas là pour la capitale, vous n'êtes pas là pour ça. Yao, yao, yao. Attendez, le même soleil qui brille en toi, c'est le même soleil qui brille en moi. soleil qui brise devant toi, c'est le même soleil qui brise devant toi. C'est le même sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coule en moi. Tu dois sortir ma définition. Alors nous gardons un petit peu aussi qui